Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 30e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et on se retrouve avec l'équipe de VR for Player pour mettre un dernier coup de pelle dans 2019. Tournez la page, une bonne fois pour toutes. Maintenant, on est en 2020. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, nous, c'est le cas. Et j'accueille Lolo. Salut, Lolo. Salut, Sei. Salut, les VR for Player. Comment ça va? Bah, ça va et toi? Ouais, ça va. Nickel. T'as passé de bonnes fêtes? Oh oui. C'est toujours un peu le bazar avec des congés qui se retrouvent en plein milieu de semaine. Du coup, on est complètement perdu. Ah oui, ça c'est clair. Bon, t'as bien mangé comme un gros, c'est bon? Voilà, c'est ça. Okay, bien mangé, bien bu. Ouais. Bah c'est le principal. Et ensuite, on retrouve personne en fait, parce que toute l'équipe de VR for Player, c'est des gros nazes. Je pense qu'ils sont en train de dessouler quelque part. Ils ont tous fait une crise de foi. Ouais, c'est ça. Ils ont battu le choc. Ils sont dans je ne sais quel caniveau. Ah non, ce soir, je me repose. Ouais, d'accord, voilà. C'est bon. Ouais, j'ai mal au crâne, je peux pas. Enfin bon, bref. Alors, donc, on se retrouve tous les deux avec Laurent. Donc pour parler de l'actu PSVR et surtout, on va commencer par le CES 2020. Laurent, tu vas nous dire. Alors, le CES 2020, donc CES 2020, d'habitude, on n'en parle pas. Pourquoi on a, parce que c'est plus un salon qui se passe à Las Vegas qui se destine essentiellement aux nouvelles technologies. Donc en général, Sony se présente en général là-bas via une grande conférence, tous leurs produits. Donc ça touche autant les téléviseurs, l'hi-fi, le son, le caméscope, les appareils photo, les nouvelles technologies en intelligence artificielle, les robots aussi également, tout ce qui est le petit chien robot Aibo ou des choses comme ça. Sauf que là, bien sûr, quand on parle de Sony qui va faire une conférence, il y a tout le monde qui s'excite et qui se dit « mince, c'est pas possible, ils vont annoncer la PS5 là ». Ce qui n'est pas complètement bête dans le fond, parce que Microsoft ont quand même annoncé leur console au Game Awards. Ce n'était pas vraiment l'endroit où on devait annoncer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on se dit « finalement, pourquoi pas ?» c'est du jamais vu. Hein. Au CES, on n'a quasiment jamais parlé de PlayStation, mis à part, je crois que c'était en 2015 ou 2016, où Sony avait communiqué sur le projet Morpheus, donc le PlayStation VR, en tant que nouvelle technologie, réalité virtuelle et tout ça. C'était un peu à part de PlayStation, mais alors, est-ce que cette fois, ils vont peut-être parler du PlayStation VR 2? C'est possible, c'est probable, et pourquoi pas utiliser ce temps de parole sur cette conférence, parce qu'une conférence ça coûte quand même beaucoup d'argent, et justement anticiper, vu que Microsoft ont déjà présenté la Xbox que personne n'attendait, ils ont un peu d'avance. Ça c'est ce qui frappe le plus, c'est que si on compare avec la génération PlayStation 4, la PlayStation 4 avait été annoncée à New York autour du 20 février en 2013, et donc ils avaient déjà teasé le truc, ils avaient dit il va y avoir un événement Sony, PlayStation le 20 février, et là ils avaient montré juste la DualShock 4. Et puis Microsoft de son côté avait annoncé la One au mois de juin, si je ne me trompe pas. Ouais. C'était 3 mois après à peu près. Donc là on n'est pas du tout cette année dans la même configuration. On est vraiment avec un Microsoft qui attaque, qui a présenté. Ils sont vachement agressifs. Hein. J'ai l'impression c'est pour ça que logiquement ça que mal vécu. Hein. Ils ont mal vécu justement la dernière génération de s'être fait un petit peu damer le pion. Donc c'est exactement ça. Ils l'ont dit en plus, ils l'ont dit qu'ils ne referaient pas les mêmes erreurs. Donc ils ont attaqué. Ce qui est fou en plus, c'est qu'ils ont attaqué avant que les fêtes de Noël soient terminées. Donc c'est quasiment un aveu. On ne vendra pas plus de Xbox. Allez hop, on y va, on lance la nouvelle. Alors qu'il y a encore des gens qui achètent pour les fêtes. Ils ont essayé aussi de tuer, je pense, les envies des derniers acheteurs de Noël, justement, d'acheter une PS4 Pro peut-être Xbox One. L'Xbox One de toute façon c'est mort, ils ont complètement bridé, ils ont presque donné en fait leur Xbox, je m'en suis pris une d'ailleurs, ils ont dit pour cette gêne c'est mort, on va essayer de couper l'herbe sous le pied de Sony, et je pense qu'économiquement c'est quand même plutôt une bonne idée qu'ils ont eu. Ah, au niveau du marketing, c'est pas bête du tout. Au contraire, parce qu'ils prennent les devants. Et du coup, c'est eux un peu qui peuvent mener la danse. Parce que là, maintenant, ils forcent Sony à dégainer. alors que Sony n'avait pas forcément l'intention de dégainer de suite. Et s'il y a des choses qui ne sont pas encore prêtes, et ben là, du coup, ça a dû bousculer tout le monde au milieu des fêtes de Noël et tout ça. Et puis là maintenant, et ben, on sait qu'en janvier ou en février, si on se calque sur ce qui s'est passé en 2013... Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que les deux consoles devraient arriver en fin d'année 2020. Donc maintenant, la fourchette de communication est courte. Donc là, ils forcent un petit peu Sony à sortir du, à sortir du bois. Du bois quoi. Ouais. Donc pourquoi pas ce CES ? Alors il y en a certains sur Internet qui disent « Mais non, ça ne s'est jamais fait, ça n'arrivera jamais ». Il y en a d'autres qui disent « Pourquoi pas ?» Moi, je serais plus du genre à dire « Pourquoi pas ?» parce que plus rien ne m'étonne, la communication maintenant. Sony l'avait largement expliqué en disant que c'était terminé les époques où on présentait tout dans des grands salons comme l'E3 et qu'aujourd'hui, il y avait des tonnes de manifestations dans l'année pour présenter des produits. Donc, pourquoi pas ? En tout cas, on va avoir un regard très attentif sur cette conférence qui se déroulera. Donc, le CES, c'est le Consumer Technology Association. Il n'y a pas Seb, c'est bon. Il se déroulera du 7 au 10 janvier 2020 à Las Vegas. Et donc, la conférence Sony aura lieu le 6 janvier 2020 à 17h, donc heure Las Vegas, ce qui correspond chez nous au mardi, donc le mardi 7 janvier à 2h du matin. Donc, moi, je dormirai pas, je vais regarder ma conférence. C'est facile, tu dors jamais, toi, de toute façon. Oui, je suis un robot. T'as un ventre. Mais je vais regarder, oui, parce qu'il suffit qu'il y ait quelque chose de très croustillant là-dedans, ça serait voilà. Donc pourquoi pas. Alors il y a une autre petite chose qu'il faut également préciser, c'est que le 30 décembre 2019, c'est Cory Barlog, donc le papa de God of War, qui a tweeté qu'il serait présent au CES. Et là, c'est vrai que c'est bizarre. Qu'est-ce que vient faire quelqu'un de Sony, hein, directement ? L'entertainment pur, hein. C'est ça. Qui est là ça. Pour le jeu. C'est Santa Monica, donc le boss. Le boss de God of War, Cory Barlog. Donc il a tweeté qu'il allait vivre son premier CES dans un peu plus d'une semaine et qu'il espérait pouvoir voir beaucoup de robots. Donc c'est étonnant. D'accord. Alors c'est étonnant sans l'être parce que Cory Barlog vit quand même à Los Angeles, donc c'est pas trop loin de Las Vegas. Mais bon, on peut se dire, tiens, quelqu'un de Santa Monica qui se déplace, est-ce qu'ils vont pas teaser un nouveau jeu ? Parce que le seul jeu qu'ils ont montré PS5 durant les Game Awards, on sent qu'ils se sont fait un peu prendre de vitesse par Xbox. Et du coup, Xbox qui balance du Hellblade 2, c'est vraiment un super trailer, très joli. Super et tout. Exclu, ouais. Et là, on sent qu'ils ont dégainé, alors je ne sais même plus le nom du jeu, qu'ils ont dégainé le Godfall, je crois. C'est ça, Godfall. Ils ont sorti ça parce qu'ils se sont dit, mince, ils ont balancé du jeu de la next-gen, nous, on va balancer Godfall. Et là, est-ce qu'ils ne vont pas peut-être en profiter pour nous teaser un petit trailer PS5 un peu plus croustillant que ce qu'on a déjà eu. Une petite vidéo de 2 minutes de God of War 2. Pourquoi pas Alors, je ne crois pas du tout qu'on verra la PS5 au CES. Non. Ça, c'est sûr. Par contre, ce que je pense possible, c'est qu'ils en parlent un tout petit peu, qu'ils nous donnent quelques billes, qu'ils essayent de court-circuiter peut-être certaines rumeurs qui sont actuellement, parce qu'on entend de tout, hein, il y en a des vertes ça et des parle pas beaucoup. Mûres. Ça parle beaucoup, justement au niveau des puissances des consoles qui vont être présentées là. Enfin, en tout cas, celles de la Xbox One Series X, on les connaît. Voilà. À peu près, et c'est vrai que maintenant c'est surtout du bruit de couloir d'internet qu'on a pour la PS5. En ce moment là, tout le monde a entendu ou connaît un journaliste ou connaît quelqu'un qui travaille dans le milieu du jeu vidéo qui sait tout en fait. Le souci c'est que si encore on parlait de quelqu'un qui a démonté le kit de développement et qui a vraiment regardé comment ça fonctionne, le problème c'est que ces gens-là qui ont accès éventuellement à des kits de développement ne disent pas les mêmes choses. Donc du coup, on sent qu'en ce moment, c'est plutôt de la bataille guerre froide. On va te balancer. Moi, je suis un développeur, j'aime mieux Xbox, donc je vais dire que la PS5 est moins bien. Et moi, c'est l'inverse, je suis plus PlayStation. Je vais dire, et voilà, c'est ça en ce moment. Du marketing, quoi. C'est exactement ça. On blablate autour des consoles sans vraiment savoir. Donc ça, on va en parler aussi parce que c'est important, parce que des rumeurs, il y en a des pas mal. Notamment une qui est sortie, je crois que c'est... Donc notamment donc, Digital Foundry qui ont annoncé que d'après leurs sources, la PS5 disposerait d'une puissance de 9,2 teraflop. Donc c'est une information qui a fait le tour de la toile ces trois derniers jours, hein, ces 3-4 derniers jours. Et puis bon, ben, bien sûr, en attendant, de l'autre côté, on nous annonce que la Xbox Series X aurait droit à 12 teraflops. Ce qui est complètement... C'est quand même étrange qu'il y ait une telle différence entre deux consoles de la même génération, surtout quand on sait qu'elles sont quasiment montées sur une architecture quasi identique. Quasi similaire, oui. Mais est-ce qu'on sait aussi à quoi ça correspond? Parce que c'est un petit peu comme la guerre des bits à l'époque. Hein. C'est ça. Mais c'est ça. Tu passes de 9,2 à 12 teraflops, à quoi ça correspond vraiment concrètement? Eh bien, c'est... En fait, ça dépend de plein de choses, en fait. Il va y avoir la fréquence du processeur. Déjà, une console de jeu n'a pas de processeur et de carte graphique séparés. Donc, c'est vraiment un processeur. Il n'y a pas de carte graphique dans une console. Hein. C'est un processeur, un APU, qui intègre, en fait, ce processeur. Il est coupé en deux. Il y a une partie du processeur qui va gérer toute la partie GPU, donc la carte graphique, et l'autre partie qui va gérer le processeur. C'est donc, voilà. C'est la différence, par exemple, entre une PS4 et une Xbox One. C'était qu'il y a plusieurs façons de calcul pour ces processeurs. Donc, il y a un processeur qui va calculer en 16 bits et d'autres qui vont calculer en 32. Et le cas de la PS4, elle calculait dans les deux, en fait, 32 et 16. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand la console se retrouve à exercer des tâches qui ne sont pas très gourmandes, elle va utiliser que la partie 16. Et si elle a besoin de faire tourner un gros jeu bien costaud et tout, elle va utiliser sa partie 32. La Xbox One, elle, n'était que 32. Donc en fait, quand on compare les teraflops, si par exemple on comparait une console actuelle, donc une PS4 Pro à 4,2 teraflops, là, c'est 4,2 teraflops, c'est du 32 bits. Si on la transvase en 16 bits, la PS4 Pro ne fait pas 4,2, mais 8,4. Donc, il faut déjà faire attention que sur ces critères-là, on parle de la même chose. Ouais, ça veut tout et rien dire, quoi, en gros. C'est exactement ça. C'est pareil. Là, il y a encore autre chose qui vient se rajouter à tout ça. C'est que sur cette puissance, on parle d'une puissance brute de calcul. Mais derrière, c'est pareil. Quand y a la finesse de gravure. Toutes nos consoles jusqu'à présent, c'était du 7 nanomètres en gravure. Là, on passe en 7 nanomètres, donc c'est beaucoup plus fin. Et donc, ça va générer beaucoup plus de... C'est un petit peu quand on parle du processeur et des gigahertz. Ça n'a rien à voir si on parle aujourd'hui d'un processeur de 2 gigahertz en 7 nanomètres et un processeur de 3,6 gigahertz en 16 nanomètres, quoi. Oui, parce que les fréquences, finalement, n'ont pas tant évolué que ça, en plus, hein, c'est sur ça. Le processeur. Par contre, la puissance sera énorme. Ouais. Donc, je dirais, ce qui me choque, en parlant plus clairement, c'est que c'est 9,2 teraflops. Alors certes, il y en a qui vont dire que c'est quand même plus de deux fois une PS4 Pro, mais pour moi, c'est quelque chose qui ne tient pas la route, dans le sens où on n'est que 3 teraflops au-dessus d'une Xbox One qui est gravée en 16 nanomètres. X, non ? Xbox, la One X, hein, la One X. Xbox One X, ouais. Voilà. On n'est que 3,2 teraflops au-dessus, donc finalement, c'est pas une baffe dans la figure. On ne parle pas de next-gen. Alors, bien sûr, on compare à une PS4 classique, une PS4, c'était 1,8. Donc, par rapport au 9,2, c'est faramineux. Mais le problème, c'est que... Moi, je vois pas ça comme ça. Je change de console, je change de génération. Je passe sur une PS5. C'est pas pour avoir 3 teraflops de plus par rapport à une PS4. Tu veux vraiment passer un gap impressionnant, quoi. Justement l'achat d'une console. Moi, j'ai toujours dit, j'attendais clairement deux fois la One X. Deux fois la One X, c'était bien. Et justement, on voit que c'est possible vu que Microsoft le propose, donc, parce que Microsoft, oui, 12 teraflops. Surtout que si on compare donc, ces processeurs AMD qui sont sur des GPU Navi, donc des processeurs de nouvelle génération, on voit que les derniers processeurs, donc c'est sur des cartes, je ne vais pas dire de bêtises, les cartes, les dernières Radeon, RX 5700 XT et la Radeon 5700 classique. Donc la 5700, elle dégage 7,95 teraflops. Et la XT, elle fait 10,14 teraflops. Mais ça, on parle de cartes moyennes de gamme pour de l'ordinateur c'est pas le gros ordinateur de gamer. Moyenne gamme gamer, quoi. C'est vraiment moyenne gamme. Qui fait tout tourner à peu près en joli. C'est ça. Là, par contre, là, nous, on parle de processeurs qui ont bien ce cœur Navy, mais qui, par contre, sont optimisés pour la console. Donc, on peut, on peut facilement avoir des vitesses qui tapent les 12 teraflops. C'est pas du tout bête de dire ça. On peut revenir aussi sur un truc, c'est on a déjà vu des articles justement qui commençaient à comparer un petit peu les puissances actuelles des cartes graphiques AMD, oui, pour comparer justement avec ce qui était prévu sur Xbox One sur Xbox Series X. C'est compliqué, la future PS5. Ouais. Et voilà, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est dangereux et surtout tout à fait inexact d'essayer de comparer. La performance d'un ordinateur avec un processeur et donc un processeur graphique à côté, un CPU et un GPU bien distincts, et ce qui est faisable aussi sur la puissance d'une console. Exactement. Parce que l'architecture n'est pas la même, le matériel à l'intérieur n'est pas du tout le même, les systèmes d'exploitation ne sont absolument pas les mêmes, les fonctionnalités et la diversité des matériaux que tu peux mettre justement dans un ordinateur et de constructeurs différents que tu peux mettre dans un ordi, c'est absolument incomparable par rapport à tout c'est le matos qui est proposé par l'optimisation par un constructeur qui va derrière le, et est... basta l'opti, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc j'ai toujours trouvé ça un petit peu dommage, quoi, de comparer ce qui n'était pas comparable, quoi. Tout ça pour faire du sensationnalisme. C'est l'objectif, c'est de faire du buzz, c'est faire parler des consoles, parce qu'en ce moment, on le sait, les gens, ils sont accros. Il y en a qui économisent depuis 7 ans pour avoir la nouvelle version, et ils sont en train de se demander, ben, qu'est-ce que je prends, une Xbox, dès qu'il y a le mot PS5 dans un article, ils savent que ça fait des vues, ou le mot Xbox, ils savent que ça fait des vues. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que... Donc là, Digital Foundry qui balance 9,2 teraflops. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en mai 2019, il y avait Benji Cell, c'est un mec sur Twitter qui a balancé déjà pas mal d'infos croustillantes qui se sont révélées réelles, qui lui avait annoncé au mois de mai que le GPU du dev kit de la PS5 était aussi puissant qu'une AMD Radeon Vega 64. Donc c'est l'équivalent d'une RTX 2070. Et donc si on regarde la carte Radeon RX Vega 64, on voit qu'elle dispose d'une puissance de 12,66 teraflops en FP32. Donc ce que je disais tout à l'heure, donc comparable, donc c'est deux fois une One X largement. Donc c'est pour ça, il faut se méfier de ces chiffres. Voilà, pour l'instant, pour moi, les 9,2 teraflops... alors je dirais pas que c'est improbable, parce que c'est possible, mais alors là, on rentre dans un nouveau chapitre de notre histoire. C'est que si c'est vrai, si toutes ces rumeurs sont réelles, c'est là où on part sur notre petit questionnement sur justement la série X en elle-même, qui possède un S à série, qui voudrait dire que série, voilà, c'est ça, qui voudrait dire que Microsoft ont prévu de balancer une all digital, par exemple la low cart, par exemple, mais qui pourrait très bien sortir également plusieurs gammes de la console dans la série X, et bien sûr, ben Sony ferait de même. Donc pourquoi il proposerait pas éventuellement une PS5 à 9,2 teraflops, mais par exemple à 399 € à un prix relativement bas pour les gamers qui ne cherchent pas forcément de la puissance, et pourquoi pas en même temps proposer, surtout qu'en plus aujourd'hui il y a en plus les SSD qui coûtent quand même un bras, et pourquoi pas proposer une autre console qui elle serait bien en 12 teraflops pour rivaliser face à la série X, et qui cette fois serait certainement un peu plus cher, donc on peut dire, mettons, 499 €, voire plus, et puis peut-être un SSD de 2 Tera au lieu d'en avoir un de 1 Tera, et une fréquence de processeur un peu boostée pour avoir, on aurait en début de gamme, par exemple, deux modèles, on aurait un peu la PS5 Pro et la PS5 classique, quoi. Voilà. Alors c'est ça, je suis plutôt d'accord avec toi, moi ça m'a l'air bien probable comme politique, en tout cas pour ces constructeurs-là. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça va perdre un petit peu le public? Parce que y a plusieurs publics, hein, on le sait, pour les achats de consoles. C'est-à-dire, t'as les, on va dire, bon, c'est un peu un gros mot, mais voilà, les hardcore gamers, ceux qui sont passionnés par le jeu et qui vont chercher toujours à avoir le truc le plus puissant, ou en tout cas le plus intéressant, et le meilleur rapport, on va dire, qualité de jeu et prix, hein, mine de rien, parce que ça coûte quand même un bras. Hein. Mais te rappelles-toi de la PS3, ils avaient un peu essayé de faire ça quand ils avaient sorti les 80 gigas, ouais, les 40 gigas, ouais. Ça n'avait pas super bien fonctionné. Mais le problème, c'est que la majorité des joueurs, ce sont des joueurs qui ne sont pas des passionnés nécessairement de jeux vidéo, mm-hmm. qui vont jouer plus à FIFA, qui vont jouer aux vieux jeux auxquels ils jouaient quand ils étaient petits en mode remaster, tu vois, Crash Bandicoot, des trucs comme ça, et qui n'ont pas besoin justement d'une bête de course. Ils vont voir dans leurs étals plusieurs gammes. C'est compliqué. Et c'est là où je me dis. D'un côté, les joueurs vont peut-être être perdus. Il y a plusieurs cas de figure, en fait. Il va y avoir le joueur, comme tu dis, qui préfère jouer à du Fortnite en ligne, qui n'est pas bien gourmand, et qui va très bien... Pas besoin d'un monstre, 100%. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'éventuellement, ils nous sortent une console à 9,2 teraflops, ce qui est déjà beau, hein, ce qui est déjà une bonne machine, par rapport à une PS4, par exemple. Ça fait déjà 4 fois la PS4 largement, hein, c'est ça. Donc derrière, ils te sortent ça, mettons, à 399€. Donc là, ils vont tout casser parce qu'ils vont avoir une console d'entrée de gamme qui sera vraiment pas chère. En plus, qui sera déjà bonne. Qui sera déjà bonne et qui sera compatible avec le cloud gaming. Donc ce qui veut dire que si, on pourra très bien jouer dans 7 ans avec une console pas très chère sur des serveurs qui, eux, seront en 12 teraflops. Ça permettrait de commencer à bas prix avec une console qui n'est pas complètement minable parce qu'elle a déjà une puissance correcte pour faire fonctionner des choses, des jeux PS5. Et en plus, dans quelques années, on sait que le cloud gaming va commencer à arriver. Ouais, c'est ça. C'est la surcouche, ça. La surcouche, elle est là. Et éventuellement, on arrivera forcément à un moment où ces consoles physiques, finalement, ça voudra plus dire grand-chose d'avoir de la puissance. Pas forcément le coup. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'est peut-être cette logique-là qu'ils ont. Mais par contre, de l'autre côté, ce que je dis toujours, c'est que la plupart des joueurs qui ont une PS4 depuis maintenant 7 ans, ils attendent. Ils ont un petit cochon qu'ils sont en train de remplir. Le cochon, il déborde là maintenant. Et puis, ils ont un petit pactole. Je confirme. Ils ont un petit pactole depuis 7 ans. Et ces gens-là, ils vont se retrouver à se dire, ça fait chier parce que moi, je veux jouer à mon PSVR, je veux jouer à la VR ou je veux une console. Et puis, celle de Sony, elle fait que 9,2 alors que celle de Microsoft, elle fait 12. Et puis, c'est forcément plus... Et les chiffres, ça compte. Exactement. Pour le public, ça compte énormément. C'est, si on parle en tant que joueur, on sait très bien que moi je me suis éclaté sur les consoles Nintendo tout en sachant que franchement, c'était pas forcément mais un Zelda, un Mario ou des choses comme ça, c'est exceptionnel. Par contre, ça, c'est le joueur qui parle. Maintenant, Mais Nintendo, ils ont la chance aussi de proposer majoritairement des exclusivités quand ils sortent des jeux qui sont déjà sortis sur d'autres consoles. Par exemple, The Witcher, c'est des catastrophes. Ouais. Ça tourne, hein, mais c'est laid, c'est pas terrible. C'est vraiment pas bon. Mm. Tandis que Sony et Xbox, enfin et Microsoft, eux, ils jouent vraiment sur le même terrain quasiment. C'est ça. Ils sont concurrents. C'est de vrais concurrents. C'est des concurrents directs. C'est pour ça qu'ils se font une guerre au niveau des exclusivités. Mm. C'est pour ça qu'ils se font une guerre de communication au niveau de la réalité virtuelle. Et donc du coup t'es obligé de comparer en fait ces deux marques là particulièrement. Nintendo c'est... en fait ça reste vraiment un c'est un public qui reste à côté tout le temps à côté quoi. Tout le temps à côté. Tu peux être à fond Sony, à fond Microsoft, mais quand même avoir ta petite Nintendo à côté pour pouvoir jouer à ton Mario, à ton Zelda et être bien quoi. C'est ça, et puis ils ont tout compris, parce que c'est vrai. Le pro-gamer, le pro-Sony, on va dire, le fan Sony ou le fanboy Xbox, tu vas lui dire, tu prends les deux. Ah non, moi c'est Xbox, ah non, moi c'est Sony, mais j'ai ma Switch. Alors que les gars, c'est la même chose, hein. On est d'accord, c'est la même chose. À l'intérieur, c'est la même chose. Donc c'est là, oui, c'est comme un ordinateur, hein, c'est la même chose. Les philosophies ne sont pas les mêmes, quoi. C'est les philosophies ne sont pas les mêmes. Et... C'est intéressant parce qu'il y a deux branches qui se disent. Il y a une division quand même. Autant sur la PS4 et la One, on était vraiment sur des machines semblables oui. Et avec le catalogue. Là aujourd'hui, on assiste quand même à une division des. Autant chez Microsoft, on s'appuie plus sur le Game Pass, sur xCloud, sur des choses comme ça. Autant sur Sony, on part un petit peu côté réalité augmentée, réalité virtuelle. Sony, ils essayent un petit peu tout. Hein. J'ai l'impression, tu sais, ils sont un peu. Ils essayent tout, mais ils sont. Non, j'allais dire, ils sont bons à rien. Non, c'est faux. Mais voilà, ils essayent un petit peu de VR, mais tu vois, ils poussent pas trop non plus. Ils essayent un petit peu de cloud, mais ils poussent pas trop non plus. Ils essayent pas mal de choses. C'est cette génération qui va nous le dire, tout ça, parce que, enfin, pour moi, le PSVR n'a jamais été vraiment. C'est plutôt un produit de lancement. C'est. On va dire une espèce d'expérience de l'AVR. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont autant parlé d'expérience au début du lancement. Ouais. La vraie VR, pour moi, elle arrivera avec un PSVR 2 et une machine qui sera capable de faire tourner l'AVR correctement. Et c'est là où il peut y avoir encore une ambiguïté, parce que si réellement ça se confirme que la console PS5, elle fait quand même 3, même presque 4 3 teraflops de moins que la console, alors que la VR, c'est ce qui demande le plus de ressources. Ce qui est plus gourmand. Ouais. On se dit, mince, la seule console qui a des ressources, elle ne fait pas la VR. Donc, c'est là où, pour moi, si ce chiffre est vrai, pour moi, on va avoir des belles surprises. Et ça me rappelle d'ailleurs ce qu'avait balancé le magazine japonais Famitsu, qui avait balancé qu'il y aurait un modèle standard à 570€ avec 1 Tera. Ce qui est complètement improbable. Et puis, il avait rajouté qu'il y aurait aussi une autre version plus véloce avec un SSD de 4 Tera et un GPU externe qui serait à 900€. Donc, eux, on balance... Ça va, ça va. Voilà, eux ont balancé ça parce que forcément, ils ont eu une source qui leur a balancé ça. Mais c'est là où on se dit, on s'assoit 5 minutes, puis on se dit pourquoi tout ce qu'ils auraient dit ne serait pas vrai. Et dans ce cas-là, mal interprété. Donc, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, une entrée de gamme à 399€, à 9,2 teraflop 1 tera. Après, on rebalance, on voit le prix des SSD. Hein. Un SSD, ça coûte 250 balles. Donc, Sony négocie ça à 120 balles. Et en plus, c'est des SSD particuliers. Ah oui, ils en ont parlé dès le départ, c'est que c'est pas du SSD. C'est pas du SSD classique. Donc, pourquoi ne pas imaginer à 570, et dans ce cas-là, on retomberait l'annonce de Famitsu, mais qui était mal. Ils ont eu ce prix, ils l'ont balancé, mais ils ne savaient pas forcément à quoi ça correspondait. Un deuxième modèle, par exemple, à 570€, qui aurait 2 teraflops, plus une puissance supérieure. Et pourquoi pas également, on continue dans notre délire, à 900€, ça pourrait correspondre à ce modèle de PS5 Pro à 570€, avec un casque PSVR, un pack complet. Donc. Est-ce que tu penses que le public est prêt justement? Est-ce non. que tu penses que le ce prix complètement délirant, à part les PCistes, il y a personne qui mettrait autant de thunes dans du matos? Alors, à part pour un téléphone portable. Est-ce que tu penses pas justement que ça serait négatif? Alors dans de la VR, pas forcément, parce que. Disons que ça offrirait. Alors il y a deux choses. Il y a la première chose à mon avis, c'est qu'on est dans de la rumeur, donc dans des fuites. Donc ils ont peut-être fait une étude à 900€ sur un pack. Il y a eu une fuite sur ce pack et ce pack ne sortira jamais en fait. Ouais, tu penses qu'ils commencent à balancer des lignes comme ça pour voir si ça mord, si ça parle sur Internet. Alors ça c'est une des possibilités. Puis l'autre possibilité, c'est qu'on sera quand même en période de Noël. Et il y a des gens qui ont les moyens. Hein. Il suffit. La dernière fois, je regardais le Fastpass à Disneyland. le Fastpass à Disneyland, il en existe 5. Il y a le premier Fastpass, il est à. Je sais pas, tu payes 20 balles et puis tu peux passer. Tu peux utiliser le truc. Puis après, tu as différentes gammes. Et puis tu as le Fastpass qui est extrême, où là, tu n'attends pas du tout et tu passes devant tout le monde quand tu veux. Et la journée de ce Fastpass, il est à 600€. Watch. À 600€, tu peux aller voir sur le site de Disneyland. C'est là où je me dis que quelqu'un. Le pouvoir de Mickey, quoi. Voilà, 399€, une entrée de gamme. 570€, les gens, ils veulent la console, mais ils n'ont pas encore les moyens de se prendre le casque. Mais derrière, ils peuvent prendre le casque séparément. Et puis, tu as ceux qui, de Noël, ils vont avoir papy, mamie ou toute la famille qui vont donner des petits sous plus leurs économies. Moi, je veux la totale, je veux ça. C'est pas impossible. C'est pas. Mais comme tu dis, il faut par contre qu'en entrée de gamme, il y ait un prix qui tue. Et c'est pour ça que ma petite PS5, moins chère que les autres, je la vois bien arriver sur un prix bien croustillant. Quoi. Et peut-être tout n'arrivera pas en plus en même temps. Hein, exactement. Parce que, ça va peut-être venir avec un an de décalage, peut-être même 6 mois de décalage. Mais je pense que ça clive un petit peu les communautés de joueurs. Et je ne suis pas certain que ce soit ce que j'ai envie de voir en fait. Non. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de guerres de consoles qui peuvent être saines, hein, économiquement, de constructeur à constructeur, mais d'avoir trop de disparités entre les joueurs même d'une même console, d'un même environnement, je trouve pas ça ultra sain, quoi. Et c'est pour ça que, pendant un podcast, c'est que moi rien que la PS4 Pro, l'arrivée de la PS4 Pro, j'ai pas vu ça d'un très très bon œil personnellement. Tu commences à... T'as une nouvelle console, la PS4 qui sort, tu fais confiance à Sony, t'as envie d'avoir tes jeux dessus, et ensuite t'as une nouvelle gamme qui arrive derrière. Je suis pas pour le clivage, donc on verra ce que ça donne, et on verra surtout ce que les joueurs veulent. Hein. Mais c'est là où est-ce qu'on parle vraiment de clivage, parce que autant sur la génération PS4, on avait une première console qui est sortie donc en 2013, et une PS4 Pro qui, elle, avait un boost sur son horloge pour atteindre les 4,2 teraflops, qui avait une vraie puissance supplémentaire, mais on n'était pas sur le même modèle. Sur un lancement, vu le prix d'un SSD, c'est surtout ça la question, c'est vu le prix d'un SSD, je ne vois pas comment Sony vont pouvoir balancer du 2 tera à 399€, voire 499€. C'est là où je me dis que la mémoire flash et la mémoire des disques durs, elle baisse régulièrement, mais elle est quand même très élevée, elle reste encore très élevée. Alors ils ont beau avoir des forces de frappe énormes quand ils passent la porte pour acheter des millions de disques durs, ils vont arriver à négocier les prix, mais pas à ce point là. Alors faut savoir un truc aussi, c'est qu'à la sortie des consoles, il me semble que les constructeurs vendent à perte. Ah bien sûr, tout le temps. Donc, voilà. Une console, elle devient rentable au bout de 2 ou 3 ans. C'est ça. Ils vendent à perte. Alors déjà, ils vendent à perte. Donc là, la problématique, c'est vraiment un SSD qui coûte bonbon à intégrer. C'est bien un SSD, hein, parce que les joueurs vont être super contents. Par contre, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit que des jeux comme Red Dead Redemption, ils font 90 gigas, et que ça risque de pas s'arranger avec les futurs jeux, je pense à un éventuel GTA 6 ou des jeux comme Skyrim. Cyberpunk ou The Elder Scrolls, c'est des jeux qui vont être méga méga gros, et avec un disque de 1 tera, ben vous n'allez pas aller loin. Donc c'est là où je me dis que si ça se trouve, ce sera des PS5 identiques. Et qu'il y aura juste le SSD qui va un peu comme la PS3 en fait, un 80 giga, un 40 giga, ben il y aura une gamme. Et au niveau par contre de la puissance d'horloge, on sait que c'est à peu près la même architecture chez Microsoft et chez Sony. Et au final, qu'est-ce qui va faire la différence aujourd'hui? C'est juste un réglage de la fréquence des processeurs. Juste un réglage d'horloge. Et le refroidissement du coup. Hein, qui va avec, hein. Et le refroidissement qui va avec. Et pour ça, Microsoft, c'est les meilleurs. Eh ben c'est oui. Enfin, c'est non. Ben non, on ne sait pas qui c'est qu'on a en face. Mais. Eh ben en tout cas, dans cette génération, la génération One et oui, PS4, la vache, je vois vraiment la différence. Hein. Alors Microsoft, ils font pas de VR. Moi, ça m'a énormément gavé. Par contre, le point positif qu'ils ont, c'est que il faut bien l'admettre, hein, en tant que joueur Sony, la One ou la One X sont hyper silencieuses. Elles sont super bien ventilées. Moi, j'ai eu les toutes premières PS4 Pro, c'est des aspirateurs. Quand on les démarre sur un God of War ou sur un Dreams, t'entends plus. Ça se met à. T'entends plus ta télé. Mais t'es obligé de jouer avec un casque. Encore pire, si t'as quelqu'un qui fait la sieste sur le canapé ou qui est à côté de toi quand tu joues, tu te fais engueuler, quoi. Donc, c'est clair. Et en plus, on a un petit peu tapé. Vous pouvez voir sur YouTube notre vidéo de le top 20 de la rédaction VR4Player. On a mis des petites vidéos en insert on a balancé des petites crottes de nez comme ça à Microsoft, et puis le design de sa console, mais n'empêche, moi je suis sûr et certain que ça va être un monstre d'efficacité au niveau de la dispersion thermique, hein, ce truc là complètement, c'est clair et net, hein. pour une si tu mets pas tes cendres dedans, évidemment, mais... alors c'est rigolo parce que c'était prévisible ce qui est arrivé quand Microsoft ont présenté leur console. Je sais pas si vous avez vu, et nous les premiers on a commencé à délirer sur le cendrier, sur tout ça, mais ça, ce qui est rigolo, c'est qu'il est arrivé exactement la même chose la première fois qu'Apple a présenté son Mac Pro, qui était sur cette architecture, parce que c'est la première fois qu'on voyait un PC, mais qui n'avait pas la forme d'un PC, qui avait la forme d'un cendrier, faut le dire, sauf que la différence, c'est que le Mac Pro, il était cylindrique, il n'était pas sur une base carrée, et C'était exactement, le principe est simple, hein, l'air froid est aspiré par en dessous et recraché par en haut. Donc en fait, il n'y a rien qui vient gêner au milieu. L'air va monter naturellement, l'air chaud va monter naturellement et sera plus facilement éjecté. Et tout est construit en fait autour de ce système. Donc l'air froid va passer dans tous les composants comme ça. Et il n'y a pas dans une console classique des ventilos qui vont renvoyer à droite pour éjecter sur la gauche ou des choses comme ça. Donc on est vraiment par contre sur un modèle qui se passe en hauteur, qui est vertical. Là où ça peut être critiquable, c'est que du coup on se retrouve avec une belle bête de 30 cm de haut et la console, on va la mettre par terre. Faut avoir une petite place. Mais faut savoir ce qu'on veut. Et en même temps, en plus, avec ce système tubulaire en colonne, un petit peu comme un Brasero, l'air n'est pas du tout bloqué en fait. Maintenant, les tours de PC, tu sais, t'as la ventilation qui est aussi au-dessus. Oui. Pour pouvoir extraire l'air chaud. Bah, ce qui est plus logique. C'est beaucoup plus logique. Ce qui est logique, mais du coup, dans une tour, en fait, l'air chaud peut rester encore bloqué parmi les éléments et surtout parmi le châssis, en fait, la partie supérieure du châssis. Là, tu l'as pas. Donc, franchement, on se fout de la gueule un petit peu de la tronche de cette nouvelle Xbox, mais niveau performance, à mon avis. Ils ont parfaitement bien copié le Mac Pro. C'était le point fort du Mac Pro. Le Mac Pro a été critiqué parce que justement il était très compact et quand c'est du PC professionnel quand même. Donc les gens, ils n'ont pas peur de débourser, les entreprises n'ont pas peur de débourser 7000 euros dans un PC. C'est pas celui que tu pouvais faire des devis et tu pouvais tomber à 60 000 euros, un truc comme ça ou... Non, non, non, c'est pas celle dernière, celui-là. C'est le dernier. Je me suis amusé à faire le top du top. Je fais... Mais disons qu'il faut que je revende la baraque, quoi. Ça, c'est des vitrines technologiques. C'est des trucs, c'est un peu comme quand une marque de voiture va sortir un modèle hors de prix. Mais disons que il s'était fait très critiquer à cause de sa forme et parce que les pros ne voulaient pas de quelque chose de compact comme ça, ils voulaient quelque chose de modulable. C'est pour ça que maintenant ils sont revenus sur quelque chose. Alors que par contre, cette idée-là, elle marche très bien pour une console parce qu'une console n'est pas modulable par définition. C'est ça. Et c'est là où Microsoft ont fait quelque chose, à mon avis, de bien, de reprendre cette idée qui a été mal accueillie. Mais au final le système de refroidissement, à mon avis, il est super performant. Et c'est maintenant où on peut se poser la question également si Sony vont rester sur du plus classique, donc quelque chose qui sera plus horizontal, ou est-ce qu'ils vont eux aussi passer sur ce type de refroidissement. Parce qu'on est d'accord que le prototype des dev kits qu'on a vu, qu'on a pu voir sur Internet, c'est un peu moche hein, quand même. C'est complètement laid. On est d'accord. Voilà. Mais je ne sais pas si tu te rappelles du proto de la PS4. C'était pire que ça. Le proto de la PS4, c'était un magnétoscope V2000. C'était une horreur. C'est pas très sexy. Hein. Ah, c'était une horreur. C'est rigolo. Mais le proto de la PS4, c'était une espèce de rectangle en métal énorme avec des espèces de barres aluminium pour le porter. Ça ressemblait à rien, en fait. Alors celui-là, ils ont peut-être travaillé un peu. On voit par contre qu'ils ont cherché pour le refroidissement. Parce qu'il y a pas mal d'ailettes, il y a pas mal de choses comme ça. Ce que demandent les joueurs, de toute façon, c'est du silence. Et puis, là où on en revient maintenant à ce système de ventilation, c'est qu'il n'y a pas que le bruit. Si le système de ventilation est hyper performant, ça veut dire qu'ils vont pouvoir monter la fréquence du processeur. Parce que ça va chauffer la petite bête si on monte le... Ah, oui. Et si c'est celui qui aura le meilleur système de refroidissement, eh ben pourra plus facilement, plus confortablement passer à 12 teraflops, 13 teraflops. Alors bon, c'est de l'overclock en fait. C'est exactement ça. Et donc, ça ne veut pas dire que l'autre ne pourra pas le faire, mais ça veut dire que si le processeur il chauffe trop, c'est là qu'on va se retrouver avec une usine, parce que les ventilos ils vont déclencher, parce qu'il va falloir maintenir le processeur sur une température. Donc c'est là où c'est des petits détails, mais moi le système de ventilation c'est quelque chose que je regarde tout le temps. C'est un truc qui m'intéresse en fait, quand je vois comment sont faites les consoles, j'aime bien voir ça. Et je pense qu'après ce qui s'est passé avec la PS4 Pro, à mon avis, autant comme Microsoft qui ne veulent pas refaire les mêmes erreurs qu'en 2013, je pense que Sony ont plutôt intérêt à faire attention à ce point-là, qui pourrait changer la donne, clairement. C'est vrai, c'est clair. Ouais, parce que... Maintenant, s'ils proposent une console aussi bruyante et aussi mal foutue à ce niveau-là que la PS4 ou la PS4 Pro, il faut pas qu'ils soient trop Surtout qu'en plus trop sur deux à ce niveau-là. Ils savent le faire parce que la PS4 Pro, ils ont changé le modèle très peu de temps après avoir acheté les premiers modèles. Donc en fait, moi j'ai toujours le premier modèle, donc c'est vrai que j'en ai un peu marre d'avoir un aspirateur ou un avion de chasse à la maison, mais je sais que ceux qui ont récupéré la deuxième version sont pas du tout embêtés. Elle est silencieuse. Voilà. Quand on met ces sommes-là dans une console, c'est quand même un petit détail qui. Énorme détail. Ok, très bien. On parlait de quoi déjà au départ On est parti sur le CES, on est arrivé. Le CES 2020, voilà. Voilà. Tu vois, on s'écarte, on part. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a On est trop dans le turfu du 2020. Mais en tout cas, moi, je suis curieux de voir justement ce qui va être. Annoncé par Sony. Ah bah pareil. Là, la guerre de la communication est lancée. Là, c'est clair et net. Le premier sang, c'est Xbox qui l'a fait. Et ils ont très très bien joué leur coup. J'attends aussi avec impatience des vrais tests de Digital Foundry parce que c'est pas des manches. Au niveau de la dissection du matos informatique. Quand ils démontent, ils savent de quoi ils parlent. Le problème, c'est que la plupart de ces rumeurs, les mecs, ils crachent dessus ou ils rigolent. Mais la plupart de ces rumeurs, quand on parle des 9,2 teraflops, quand on parle des prix, c'est pas des guignols, quoi. C'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc, je serais pas étonné, par exemple, que dans un coin, ils balancent des trucs à la con. Pour voir 9,2, ça dit. Alors, il gueule ou il gueule pas? Ça grince. Bon, ça grince. Bon, allez, passe-le à. Fais chauffer un peu plus le pros, passe à 10. C'est ça. C'est, tant qu'on n'est pas passé en production, finalement, c'est un réglage. Donc, tu crois qu'ils ne sont pas déjà en production, là? Je sais pas. Si, peut-être que si. À un an. Faut bien ça. Un peu moins d'un an, ouais. Mais alors. Ils sont jetés. Je comprends pas. Parce que, alors oui, mais il y a ça aussi, c'est que les 9,2 teraflops, ils proviennent quand même de tests, apparemment ça viendrait de fuites de tests faites par AMD. Mais on n'est pas sûr que ce soit ce processeur précis qui a été testé. Qui nous dit que finalement AMD n'était pas en train de faire des tests sur une suite? Par exemple, là, tout à l'heure, je parlais des processeurs 5700 et 5700 XT. Qui nous dit que AMD n'a pas dans son carton un milieu de gamme qu'il est en train de tester? C'est le principe de la rumeur, tu vois. C'est ça. L'homme qui a vu l'ours. Et puis, surtout que maintenant, tu as une armée dont on fait partie de médias qui vont relayer un petit peu l'information sans savoir si ça a bien vérifié. Vu que l'information de toute façon est de plus en plus on va dire volatile et à usage unique, C'est du consommable. Lui il dit 9,2 teraflops pour la PS5, lui il dit 12 teraflops, pouf, mon titre, la PS5 beaucoup moins puissante que la Xbox et inverse. Parce qu'on peut dire la même chose, ce qu'on disait tout à l'heure, la RX Vega 64, qui serait plus puissante que la Xbox Series X. Mais après, voilà, malgré le fait que ce soit que des rumeurs, ça vaut quand même le coup d'en parler et puis de voir un petit peu ce qu'on en pense et surtout ce qu'on attend de ces nouvelles machines-là. On est obligé toujours de les prendre un petit peu au sérieux, mine de rien, si on sait que c'est un petit peu bullshit derrière. Ce que j'adore avec toutes ces rumeurs, c'est d'en récupérer un maximum dans mon petit panier. Et puis de les mettre à plat et de voir parce qu'il y a toujours des points communs. Alors tu dis, tiens, lui il a dit la même chose. Et puis après, tu arrives à te faire une image assez. Alors, j'ai toujours parlé de fourchette en PS5 sur les trailers qu'on avait. Dès le départ, fin 2017, on disait 10 teraflops. Après, j'étais sur une fourchette entre 12 et 14 parce que j'axais sur cette RX Vega 64. Je sais que les 12 c'est possible, donc on va être là-dessus. C'est pour ça que quand ils ont annoncé 9, j'ai grincé des dents. Puis même au niveau du marketing, je me dis que 3 teraflops par rapport à une One X, tant que c'est pas officiel, de toute façon, tu vends pas du rêve, quoi. Ça, tant que c'est pas officiel, ça veut pas dire grand-chose. Et après, concrètement, par contre, les jeux ils seront magnifiques, autant sur l'une que sur l'autre. Oui, bah ça c'est certain. Moi qui suis passé un petit peu à l'ennemi là, sur Xbox depuis Noël là, et je teste pas mal de jeux. Pour une console qui est bien moins puissante, enfin qui a été vendue en tout cas, qui a eu les casseroles d'une console bien moins puissante que la PS4, je peux dire que franchement elle envoie du bois. Hein. Mais bien elle envoie sûr, du bois et en plus elle fait pas de bruit. Donc Non, mais puis même, franchement, tu prends un jeu sur. Alors, si tu enlèves le bruit, tu prends un jeu sur la PS4 Pro ou sur la One X, les jeux, ils sont beaux. Hein. Donc, tes jeux, ils sont aussi beaux, surtout que les développeurs, ils vont développer sur une base. Ils vont pas utiliser les 6 teraflops de la One X. Donc, après. Non, c'est le souci, il est plus du côté de ce que je disais tout à l'heure. C'est quand tu sais que tu as économisé et que tu veux avoir le meilleur. Et dire à tes potes, j'ai pris celle-là, 12 teraflops, c'est moi qui ai la plus grosse. Mais c'est du marketing. T'as encore des potes quand tu dis ça? Toi, c'est tout seul. Hein, nous, on a un peu passé l'âge de ces conneries. Parce que, ouais, c'est ça. Mais je pense plus à un jeune de 15 ans, quand il va dire que chez lui, moi j'ai pris la One X parce qu'elle a 12 teraflops. Ah, putain, elle est vachement mieux que la mienne. Et, alors que finalement, quand ils sont chez eux, ils ne voient même pas la différence entre les deux. C'est ça. Ok, très bien. Bon, en tout cas, 2020 s'annonce passionnant à ce niveau-là. On va bien continuer à en parler, et puis surtout à chercher les bonnes infos, les infos sûres, comme des truffes, des cochons truffiers. C'est ça. Je sais pas si. Non, mais c'est ça. La comparaison est un peu bizarre. Mais... Des fois, tu tombes sur des crottes, des fois, tu tombes sur des pépites, mais. C'est ça, exactement. Mais ça vaut toujours la peine d'en parler. C'est comme les brevets, ça. C'est pas du concret, c'est pas de l'officiel, mais c'est tellement long de la mise en place. C'est des pistes. Mais c'est des pistes qui sont intéressantes et des fois on s'aperçoit que quand ça sort, on se dit finalement il avait raison quoi. Donc c'est toujours bien. Okay. C'est intéressant d'en parler. En tout cas, voilà, faut en parler. On voulait revenir un petit peu sur les choses qui nous ont marquées en 2019. Il y en a eu quelques-unes quand même. Laurent, je te laisse commencer. Oui. 2019, qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Alors, ce serait plus global, moi. Je dirais que ce serait. Il y a trois choses, on va dire, qui m'ont marqué. La première chose, je dirais que c'est une sensation de ralentissement de la production du catalogue PSVR. On se rappelle 2016-2017, l'arrivée de Resident Evil, l'annonce d'une première vague de jeux, où effectivement on avait commencé à avoir des jeux qui sortaient régulièrement. Derrière, c'était Shusui Yoshida qui avait dit qu'il allait avoir une deuxième vague, et cette deuxième vague, elle était même plus grosse que la première, où on avait reçu des MOS, tout un tas de bons jeux qui étaient arrivés d'un coup. Et finalement, cette troisième vague... on l'a attendu en 2019 et puis on ne l'a pas vraiment eu. Et puis j'ai même trouvé que cette fin d'année était plus que triste au niveau des sorties. Beaucoup de petits jeux indés, voire même des jeux de téléphone portable qui sont arrivés. Alors, ce n'est pas péjoratif parce qu'il y a des petits jeux qui franchement, j'ai trouvé super. J'ai mangé son nom encore. Le jeu de voiture, là... l'autre que j'ai testé en plus, je me rappelle plus son nom, la honte. Je l'ai trouvé très joli. Il y a eu des Mini Motor Racing. The Curious Tale of the Stolen Pets, j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est une petite expérience. C'est sûr que les joueurs en ont marre des expériences, mais de temps en temps, il y a certaines expériences qui valent le détour. Mais j'ai trouvé globalement sur une fin d'année. Je m'attendais à avoir un Wipeout, un Borderlands. Je m'attendais à avoir un petit bonbon surprise avant Noël. Les deux exemples que tu donnes sont des anciens jeux qui ont été adaptés. Tout à fait. En VR. C'est ça. Alors que t'as des bons jeux qui sont sortis en fin d'année, bon, qui sont pas dans le catalogue PSVR, bizarrement, sur le PSN, comme Dimo Reborn. Oui. Je parle encore de celui-là parce que pour moi c'était la grosse surprise de cette fin d'année. C'est ça. Mais toi, ça c'est un vrai jeu d'aventure, un vrai jeu de rythme. Qui est dans les incontournables. Un jeu complet, long, et qui est calibré pour la VR. Et voilà. Je ne suis pas sûr que des adaptations tout le temps, de vieux jeux qu'on a en plus certainement déjà terminés, ce soit... je ne l'aimais pas nécessairement dans la même gamme que Golem. Je pensais pas du tout à... Non, je pensais plus dans le sens surprise. Je pensais pas. C'est vrai que c'est toutes des adaptations et c'est vrai que oui, c'est pas forcément dans ce sens-là. Blood and Truth, il est sorti en 2019, lui, il me semble. Hein. 2019, ouais. Lui, c'était une bonne surprise. Il y avait ses quelques défauts, mais c'était une super bonne surprise. Mais il y a Stardust Odyssey qui était une bonne surprise aussi parce que je l'attendais ouais. pas aussi bon. Mmh. Mais par contre, je trouve que Ça s'est ralenti. J'aurais bien aimé, je sais pas, aucun studio balance un truc. Tu vois, Starchild, il est mort, je pense. Alors, oh, c'est dommage, ça, c'est vraiment dommage. Hein. Je suis vraiment dégoûté. Hein. Alors, je dis ça. On n'entend plus parler. Ils ne répondent pas. Et puis, alors, on peut pas dire que j'ai pas essayé parce que j'ai envoyé des mails à plusieurs fois chez l'éditeur. J'ai Twitter, j'ai Facebook, j'ai machin, et plusieurs fois par jour, j'ai eu aucune réponse. Sur le site, il n'y a plus aucune communication. Alors, soit il va sortir comme ça, paf, un claquement de doigts, ils vont nous le balancer quand on s'y attendra pas. Et dans ce cas-là, ce sera la bonne surprise. Soit, ils ont dit le studio, on n'arrive pas à le financer, on le sortira plus tard, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, plus personne ne communique sur ce jeu. Et là, on ne parle pas d'un jeu qu'on avait annoncé parce que le développeur nous avait dit, on parle vraiment d'une annonce officielle de chez Sony. Ouais. En plus, avec les démos à l'appui, exactement. Qui a bien donné envie à tout le monde en plus. Et puis tout le monde l'attend. Quoi. La réponse, on ne l'aura pas. On sent que le studio, il a un contrat soit d'exclusivité et la primeur sera donnée au PlayStation Blog. Soit il n'existe plus, mais ça, j'ai un gros doute parce qu'il est toujours affiché sur le site je ne sais plus comment s'appelle le studio, mais bon, voilà. C'est mon impression globale que cette année a été bonne. Hein, ventre mou. On a eu des bons jeux, mais il y a eu, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu un rôle. Il y a eu des périodes de creux, alors que les autres années, on n'avait même pas le temps de respirer, qu'on savait qu'il y en avait encore 5 qui allaient débouler. Et là, on se retrouve après Iron Man où on se dit, il y a quoi derrière ? C'est cette sensation-là. Il peut y avoir des bonnes petites surprises. Bien sûr, j'espère. Il y en a encore aussi. Des surprises, mais elles sont moins fréquentes. Il y a encore des trucs qui vont arriver. Mais ne sont-elles pas meilleures, du coup ? Alors, ça, c'est oui. Parce que c'est sûr que si on se retrouve avec beaucoup moins de jeux, mais par contre des jeux de qualité, là, c'est pas pareil. C'est sûr que... Je pense pas non plus à 100%. Je pense à Paper Beast, celui-là, je le guette. Je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde, mais enfin, moi, c'est le style de jeu qui peuvent énormément m'intéresser. Il y a Gorn qui va débouler, il a été juste retardé. Ouais, tu vois, Gorn, par exemple, enfin, moi, je ne le mets vraiment pas au niveau de Paper Beast. Ah non, mais il va plaire à une autre partie de personnes, et je sais qu'il y a des gens qui l'attendent. Moi, ça va me faire marrer, je pense. Mais est-ce que ça va être intéressant d'exploser des types ? Est-ce qu'il va y avoir un quelque chose de... Tu l'as essayé sur PC, Gorn, non ? Non, je ne l'ai pas essayé. J'ai vu pas mal d'images. Je me suis intéressé au projet, mais c'est vraiment le genre de jeu... j'en ai déjà parlé en podcast. Hein. Pour moi, c'est le jeu des fouloirs. Tu vas l'essayer une fois, deux fois gros maximum, et puis après, tu vas le lâcher. Bon, c'est que mon impression, hein, et comme je le répète, hein, je ne l'ai pas essayé. Donc, certainement que je me trompe. En tout cas, j'espère me tromper. Faut voir... Bon, je veux bien voir la tête qu'il a. Je sais qu'il est attendu. Mais est-ce que c'est pas le jeu qui te dit ouais, c'est super marrant, et puis au bout de deux jours, tu dis ouais, ça me gaffe, c'est tout le temps pareil. Ouais, c'est ça. Voilà. Un petit peu comme le jeu de fight là, dans les bars. Là, voilà. Il était marrant. Ouais, c'est ça. Il était marrant, mais il va pas péter loin. Alors que tu vois, sur Oculus, il y a Spanx là, qui m'avait montré un jeu dont j'ai totalement oublié le nom. Je suis vraiment désolé. Tu vois le jeu de bar en fait, donc tu restes dans ton endroit clos et puis tu te bastonnes avec les ennemis. Et bien là en fait, sur Oculus, ils ont sorti un jeu, c'est un beat'em all à l'ancienne, à la Double Dragon, sauf que c'est en vue FPS. Donc tu avances dans les niveaux. Ouais, je l'ai vu. Et c'est le même principe et ça a l'air génial. Ça a vraiment l'air génial. Donc là, tu vois, c'est un jeu qui propose du scoring, qui a à peu près le même principe de défouloir que Gorn ou que Barbouré, là, je sais pas quoi. Mais par contre, voilà, t'as quand même une aventure à suivre, t'as des stages à parcourir, t'as des choses à faire à droite à gauche. Enfin voilà, ça a l'air autrement plus intéressant et de proposer beaucoup plus de choses qu'un Gorn qui où tu tapes des clones. Enfin je sais pas. Enfin moi c'est l'anti-hype total ce jeu. Je sais pas à quoi m'attendre. Faut voir, pourquoi pas. Ça peut être une bonne surprise, comme ça peut être un truc attendu. Et puis après, aussi sur cette année, il y a eu aussi des titres annoncés et ils ne sont jamais arrivés aussi. Alors ça, on peut juste No Way Out, il porte bien son nom, comme je dis toujours. Mm-hmm. Annoncé au moins 3 fois en sortie sur le PlayStation Blog et sur le PlayStation Store. Et on l'attend toujours. Il n'est toujours pas là. Donc pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est ça. Premier truc qui m'a marqué 2019, c'était une drôle d'impression sur... on va dire que c'était pas du zéro, on n'était pas dans de la PS Vita sur ces dernières années, mais un ralentissement, une prise de conscience d'un ralentissement. Voilà. Et à propos de ralentissement, bah justement, je vais rebondir là-dessus. Moi, c'est ce qui m'a marqué en 2019. C'est une sorte de projet. Enfin, voilà, les jeux multijoueurs, en fait, j'ai l'impression que ça fonctionne pas en VR. Ça me fait un petit peu mal au cœur de voir des développeurs justement qui se donnent du mal à essayer de faire des jeux, qui font des bons jeux avec des gameplays qui sont évolutifs et qui voient un petit peu dans l'avenir pour que le jeu fonctionne plusieurs semaines, plusieurs mois, et qu'au bout d'un moment, systématiquement, ben, les jeux se dépeuplent au fur et à mesure. J'ai pas l'impression qu'en fait le multijoueur ce soit encore vraiment le bon plan en réalité virtuelle. En tout cas, on sait que dans les jeux plats ça fonctionne très très bien, notamment en plus avec tout le modèle free to play que tu peux avoir avec des Fortnite, des trucs comme ça, ou même des versions payantes avec du Call of ou du Rainbow Six. En VR ça marche pas. Il y a Firewall qui tire un petit peu son épingle du jeu parce que voilà, c'est un type de jeu très efficace, réaliste. Je dirais pas que c'est la VR qui marche pas, je dirais que c'est la communauté qui est pas assez nombreuse et... Qui n'est pas assez nombreuse, ouais, exactement. Mm. Mais du coup, c'est dommage parce que ça fait des jeux qui sont en plus plutôt bons techniquement. Bah oui. Intéressants, tu vois. Je pense à Space Junkie d'Ubisoft. Carrément. Ouais. Il y a Téléfrag de ceux qui avaient fait. Merde, un jeu que j'avais testé, je sais plus comment il s'appelle. Gravity. Non. Téléfrag, c'était qui avait fait ça? Le jeu sur la gravité, là. Téléfrag, il est violent, lui. Oui, mais il est violent, mais ouais. Voilà, mais n'empêche, il est efficace. C'est un fast FPS où t'as la tête à l'enfer, qui te retourne complètement la tête, mais qui est vraiment bien. Battle Wake, pareil, tu vois, un jeu de bateau qui au niveau du gameplay fonctionne très très bien, qui a une bonne petite ambiance, qui propose voilà un côté, une évolution en fait dans le jeu qui est vraiment cool. Mais ça ne marche pas, ça prend pas. On peut aussi parler de Sabre. Ouais, bah ouais, alors Sabre, c'est encore... Qui se souvient de ça Mais qui se souvient, voilà. Qui se souvient de ça? Enfin, voilà, c'est dommage Sabre, parce que... Ouais. Voilà, bah ça, c'est en plus, c'est un autre problème qui vient se rajouter dessus. Oui, c'est un autre souci. Ouais. Mais même les bons jeux ne sont pas... Alors moi, il y a un truc que j'adorais, parce que alors, j'ai plusieurs... On a tous nos types de jeux préférés. Moi, d'un côté, c'est les petits jeux rigolos, style Astro Bot et les trucs bien colorés. J'aime beaucoup, en parallèle, ce qui n'a rien à voir, c'est les jeux d'horreur. Ma troisième petite faiblesse, c'était des trucs à la F Valkyrie, où tu pilotes un vaisseau ça j'adorais. La VR est fait pour. Ou Battlefront, ou des choses comme ça. Et F Valkyrie, c'est le style de jeu où, quand je l'ai attaqué, finalement, je ne jouais plus à rien qu'à F Valkyrie. Et tu t'aperçois petit à petit que ça se vide. Parce que, alors pourquoi ? Est-ce que parce que les jeux sont plus courts et du coup, les gens, ils en achètent. Parce que non seulement sur le catalogue, ils sont plus courts, mais c'est vrai qu'on a souvent des jeux à 20 balles. Des petits jeux à 20 balles, des expériences et du coup les gens ont tendance à changer plus régulièrement. Ils disent tiens, j'ai pas fini mais je vais attaquer un autre. Est-ce qu'il y a une surconsommation de jeux du fait que les jeux ne durent pas comme sur PS4 c'est quand même super paradoxal parce que quand tu vois d'un côté que les gens disent, en tout cas ce qu'on lit en général, en plus les gens qui jouent pas en VR disent que il n'y a pas suffisamment de jeux sur le PSVR ou en VR en général, en tout cas de gros jeux, et que les gens ne prennent pas le temps d'approfondir un petit peu le gameplay de certains jeux. Bah, c'est rigolo parce que... À part Firewall, tu vois pas d'autres. Hein. Tout à l'heure, c'est marrant parce que ça introduit bien ce que je disais, ça répond bien à ce que je disais tout à l'heure, que cette année 2019 a été... pas moins, un peu plus lente. Et c'est vrai que autant sur Facebook que sur Twitter, des fois, tu as l'occasion de discuter. Et puis, tu en as plein qui disent là, en ce moment, il n'y a rien qui me plaît. Alors, je me suis pris, je me suis pris tel jeu. Un jeu qui est sorti il y a 2 ans sur le PSVR. Et putain, mais il est génial, en fait. Et puis, il le redécouvre. Mmh. Et on n'est pas nombreux. Mettons, en France, on est combien à jouer au PSVR? On n'a pas de fourchette officielle, mais on va dire qu'on est 200 000. 200 000 joueurs PSVR en France, 200 000 joueurs qui vont se partager un catalogue de 370 jeux, voire plus, parce qu'il y en a tous les jours, toutes les semaines qui sortent. Au final, on se retrouve à combien sur les serveurs s'ils ne sont pas crossplay? À Riggs, je me rappelle, pas Riggs, ne serait-ce que Eagle Flight d'Ubisoft, le jeu est super bien. Quand on a fait toutes les missions, bah, le seul truc qu'on a pour augmenter la durée du jeu, c'est le multi. Et là, on se retrouve vite tout seul à attendre en haut de son truc, et puis on se dit, bah, y a personne en fait. Donc, alors là où c'est intéressant, c'est vrai qu'en tant que développeur, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Ça veut peut-être dire que c'était un peu trop tôt pour ça. Et plutôt que de dépenser du temps à développer ça au lancement, à mon avis, ce serait plus intéressant de lancer un jeu complètement abouti, compatible PS4 solo. Pro, magnifique solo, et de sortir un DLC multi peut-être un an ou deux plus tard, quand ils sentiront qu'il y en a un qui commence à sortir du lot. Coop, pourquoi voilà. pas coop, coop. Parce que coop, voilà, déjà, tu as besoin de moins de joueurs, c'est peut-être ça. 4 maximum, comme avait fait Farpoint. Farpoint, ouais. Farpoint, oui, exactement, ils avaient fait ça. Ils avaient sorti le coop plus tard. Ça marche bien, quoi. Ah bah oui, ça fonctionne bien. Je pense que ça va venir, ça, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu tôt. Moi, je trouve ça dommage. Franchement, Ubisoft, d'ailleurs, ils ont tout misé là-dessus, hein, parce que tu prends Star Trek, tu prends Eagle Flight, tu prends Werewolves, Within, c'est pareil, c'est du multi. En fait, ils ont quasiment que du multi. Alors, est-ce que le joueur PSVR a quand même son casque VR sur la tête? Il n'a pas forcément tous ses potes qui ont un casque. C'est ça. Alors que tous ses potes ont une PS4. Donc, il y a plein de petites questions comme ça qui font que c'est peut-être pas encore... Alors, nous, c'est différent parce que c'est vrai qu'on a tendance on se côtoie parce qu'on a un casque, en fait, quelque part, même sur Facebook. Sur Facebook, les gens viennent sur VR4Player parce qu'ils ont un casque. Alors, c'est peut-être des lieux où il faut profiter de de notre page Facebook, de notre groupe Facebook, pour ne pas hésiter à chercher qui veut jouer avec moi à ça. Voilà, c'est aussi à ça que ça sert. En tout cas, voilà, pour moi, 2019, c'est pas l'année du multi, ça c'est clair et net. Pas en termes de qualité de jeu même, mais en termes de fréquentation. Et ouais, pour moi, la sauce prend pas pour le moment. C'est certainement pas encore mûr. Ouais. Ok, t'as autre chose? Ce qui m'a marqué en 2019, Stadia. Quoi? Stadia. Je vois pas ce que c'est, Stadia, c'est quoi? Je n'ai pas entendu parler. T'as pas entendu parler de Stadia? Non, on va rappeler vite fait ce que c'est. Hein. C'est le cloud. Le cloud gaming. Selon Google l'X-Cloud, c'est pareil. C'est du cloud gaming. Le cloud gaming. Ce qui m'a marqué, c'était pour moi je vais pas dire un lancement raté, parce qu'il est pas si raté que ça. Je sais pas ce qu'il te faut. Hein. Ah non, justement, parce que le deuxième effet qui se coule, il va arriver. Donc c'est pour moi, le lancement, il est là. Il est pas avec ce qu'ils ont fait avant. On les attendait tous. Moi, ce qui m'a choqué, c'est le nombre de soucis qu'il y a eu sur Stadia au lancement. Et je parle pas de gens qui avaient des débits de 40 mégas. Je parle de gens qui avaient des problèmes de déconnexion et qui ont 600 ou 700 mégas de débit en fibre. Instabilité du serveur. Quoi. Je crois, quand ils ont commencé à lancer ça, ils nous ont, bon, il y a eu la conférence. On a vu que sur la conférence, on en a déjà parlé, que ça déconnait un peu. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens sur YouTube qui prennent un abonnement d'essai. Et qui testent le jeu en vidéo, en live, et qui s'aperçoivent qu'ils sont là, jetés du jeu, où ça lag, où on voit la compression d'image, où on voit ces choses-là. Il y a même des joueurs qui se sont amusés à faire des groupes tests en même temps qu'ils jouaient. Et là, je parle par exemple de BB300, je crois qu'il avait balancé, il était à 960 mégas, avec un ping de malade. Il n'avait rien, il était nickel. Il balance son speed test et en pleine partie, il s'amusait à tirer. Et au moment où il appuie sur la gâchette, le coup, il partait 2 secondes après. Quoi. Donc, voilà, il y a eu des choses comme ça. Alors, est-ce que... Je continue de croire que Google sont conscients, enfin j'espère qu'ils en sont conscients, que c'est pas encore mûr, que le marché est pas encore prêt pour ça, mais qu'ils l'ont balancé justement pour le tester. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'ils n'auraient pas mieux fait de faire une bêta? Une bêta ouverte avec des réductions, voire même de la gratuité pour tester leur système, et puis lancer après des quelque chose de plutôt que de faire payer quelque chose qui fonctionne pas dès le départ. Et après là-dessus, L'autre point, c'est que je reste convaincu que c'est, finalement Stadia, c'est pas ça. Stadia, ça sera pas cet abonnement payant qu'ils ont balancé en premier. Là où ça va faire mal, c'est Stadia en version gratuite. Où là, par contre, ben, tous les joueurs qui. Parce que quand on voit les petits minots dans les collèges qui ne parlent que de Fortnite ou de jeux bien précis, et ben non seulement Fortnite est gratuit, mais en plus Stadia l'est aussi. Donc du coup, ben, ils pourront potentiellement jouer avec tous les copains de la classe sans acheter de console. Mais la vie, c'est pas gratuit. C'est pas comme ça que ça se passe. Et ben non, c'est pas gratuit. Mais disons qu'ils vont rentrer là-dedans. Ouais, non, mais je comprends bien. Et puis après, bah, si ça s'améliore, bah, ils seront acquis. Donc c'est là où, pour moi, Stadia, c'est un peu le free, c'est un peu ce qu'a fait Free en téléphonie. Et c'est ce qui va arriver quand ils vont débouler. Et après, il y aura. Tant que ça déconne, et ça va déconner, parce que faut pas rêver. Hein. Sur le papier, personne dessus encore. Hein, en déjà, si ça lag, si on voit la compression, si l'image n'arrive même pas à tenir de la 4K à 60 FPS sur des mecs qui ont des connexions fibrées, mais pas les petites connexions, hein, des connexions de cow-boy. Donc dans ce cas-là, c'est bon quoi. Si c'est pour tourner en 720p, si c'est du gratuit, à la limite, on s'en fout. Mais même là, par rapport à une console, pour l'instant, c'est pas au point, quoi. T'irais pour le moment, même si c'est gratuit, même si l'offre est gratuite, que tu as une bonne connexion, est-ce que toi, t'irais acheter un jeu Non. En sachant que tu n'allais peut-être pas pouvoir l'utiliser dans des bonnes conditions. Je pense que là, tu dis que le démarrage n'est pas catastrophique et c'est maintenant que ça se passe. Moi, je le trouve. C'est en février, là. Extrêmement refroidissant. Hein. Ben, oui, je pense que pour l'instant, ils sont en phase de test. J'ai l'impression qu'ils font une bêta-test mondiale pour voir si leurs serveurs sont capables de tenir le coup. C'est risqué, ça boîte Google, ils ont l'air insolides, mais là quand même, c'est chaud quand même. Autant je pense que si ça déconne avec une connexion de 20 ou 30 mégas, ça peut venir de ta connexion, autant je pense que le mec qui a 960 mégas en débit fibré, si ça déconne, ça vient de chez Stadia. Donc là, je pense que eux, de leur côté, ils sont pas au point. Et puis après, par contre, le truc de sûr, c'est que, comme tu dis, le mec qui veut un truc qui fonctionne, il va acheter sa console, il va acheter son jeu, et au moins il aura son truc. Là, moi, je te parle vraiment de commencer à piquer des minots de sixième qui vont peut-être avoir une Switch à la maison. Je ne peux pas jouer à... Ben si, ça marche sur Switch aussi. Mais le pote de sa classe lui dit, tiens, tu peux jouer avec moi à tel jeu. Oui, il est gratuit sur Stadia. Donc je parle d'un truc style Fortnite. Il rentre avec Fortnite sur Stadia, gratuit. Il rentre là-dessus. Et puis derrière, eh ben, il va grandir. Et puis ça va s'améliorer. Et puis c'est comme ça qu'ils vont arriver sur un marché... donc c'est pas si bête. Je sais pas si c'est calculé ou si. T'inquiète, c'est calculé. Ou si au contraire ils se disent qu'ils s'attendaient pas à ce que ça ne marche pas de partout. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que ça marche aussi mal. Ouais. Dès le départ, il y a toujours des couacs après, même dans les jeux multi. Oui. On se souvient d'un paquet de bugs qu'il y a eu lors des connexions obligatoires sur certains jeux. Mais à ce point-là, il y a un retour aussi catastrophique au niveau des médias, en tout cas de ceux qui l'ont essayé, vraiment. C'est EMB, c'est amusé à faire tourner son PC. Il a lancé le même jeu sur Stadia, donc il a mis les deux écrans côte à côte. En plus sur une vidéo YouTube, donc il y a une compression, tu vois pas forcément tous les détails que lui voit quand il est devant les deux écrans. Mais tu t'aperçois bien qu'il y en a un qui avance pas, quoi, qui rame, qui saccade, et lui c'est pareil, il a une connexion de cow-boy. Donc pour l'instant, non, Stadia pour l'instant ils vendent du rêve. Ils ont réussi à mettre dans la tête des gens qu'il y avait ça, qui allait arriver, qui était déjà là pour ceux qui pouvaient. Mais au final, je sais pas comment ils vont se dépatouiller maintenant parce qu'il y a Xcloud derrière qui va arriver et eux ils vont taper plus fort, je pense. Je suis pas sûr que Stadia ont bien fait de se lancer en premier sur ce genre de truc. Et tout de suite. Bah, ils ont essayé peut-être avant Noël aussi, hein, je pense. Et puis, ouais. Ouais, sachant qu'une console va arriver. Tu vois, pendant ce temps-là, il y a Microsoft et Amazon qui se frottent les mains en attendant qu'ils se votent. Et puis eux, ils vont arriver en conquérant en disant nous, ça fonctionne. Sauf que non. En fait, ça va les desservir aussi Microsoft, parce que s'ils voient le premier copain justement qui est en train de se planter aussi, ouais, sur un système de cloud gaming qui marche pas, pour qu'ils arrivent justement en conquérant derrière, enfin vraiment qu'ils prouvent à tout le monde que ça fonctionne. Ouais, c'est vrai. Je pense que la montagne à gravir va être encore plus ardue à traverser. Hein, c'est là où on se rend compte qu'on a encore une bonne gen devant nous avant qu'il se passe vraiment quelque chose dans ce domaine-là. Ça, c'est clair. La PS5 et la Xbox One Series X. Non, c'est la Xbox Series X plutôt. On va y arriver. Hein, on va y arriver. Ça, c'est un peu compliqué. C'est là qu'on voit qu'il y a encore vraiment une gêne. Si on veut des choses de qualité, il y a encore une gêne réelle, bien matérielle. Et finalement, j'étais plutôt du genre à dire ce sera peut-être les dernières consoles. Et je commence à me dire, finalement, ce ne sera peut-être pas les dernières consoles. Peut-être pas, ouais. On verra. Ouais. Mais c'est vrai que c'était quand même très, très prometteur. Je me souviens, une dizaine d'années, quand j'avais essayé Gaikai, tu pouvais essayer sur ton ordinateur gratuitement une démo d'une demi-heure, je crois, à peu près. Harrison, il vient de là. J'avais essayé un jeu de bagnole en plus, donc un truc qui demande vraiment de la réactivité. J'avais été bluffé par la qualité. Non, c'était pas aussi propre que sur mon ordinateur, enfin au niveau de la résolution. La résolution était bien plus basse, mais au niveau de la fluidité, ça fonctionnait bien. Et j'avais quoi ? J'étais encore en ville à l'époque, et j'avais quoi ? 10 mégas, mais rien qu'avec 10 mégas, ça marchait. Ça fonctionnait. Bien. Donc là, j'y croyais, tu vois. Maintenant, beaucoup moins. Disons que ça pourrait fonctionner pour on pourrait imaginer une espèce d'encyclopédie Wikipédia du jeu vidéo où on pourrait réunir tous les jeux mondiaux qui ont toujours existé sur des abonnements gratuits. Tu ne sois pas obligé de ressortir ta Super Nintendo si tu veux jouer à un jeu Super Nintendo, pourquoi pas. Faudrait que Internet Archive Database fasse quelque chose là-dessus justement. Ce serait intéressant de garder une mémoire de l'histoire de certains jeux. Tu sais, moi tout petit j'avais Pong ou des jeux, je ne me rappelle même plus les noms, des jeux duels ou des trucs comme ça. Et c'est des trucs, ça me ferait marrer 5 minutes de les revoir, mais c'est des trucs, je ne vais pas racheter une Atari ou un truc comme ça pour jouer à ça. C'est une possibilité d'utilisation de ça. Après, le problème, c'est intelligente en plus. Voilà, le problème, c'est que les jeux sont de plus en plus poussés, de plus en plus beaux, de plus en plus il faut de plus en plus de FPS. Les écrans aussi sont de plus en plus ont de plus en plus de meilleures résolutions. Parce que je pense que le CES 2020 cette année, ça va être la 8K à tout va. Oh là là, ouais. L'escalade de la violence. C'est que eux aussi, les vendeurs de téléviseurs, ils ont besoin de phrases d'accroche pour vendre. Et puis, alors un coup on balance de la 3D, un coup on balance des écrans incurvés, un coup on balance de la 4K, maintenant on balance de la 8K. Mais au final, quelqu'un qui achète une télé aujourd'hui, quand on voit déjà le prix des téléviseurs comme il est descendu, si ma télé pète aujourd'hui, qui est déjà pas mal, elle a au moins 10 ans ma télé, si elle pète, je vais passer sur de la 4K parce que finalement je ne paierai pas plus cher. Et si j'ai une télé 4K, moi j'ai intérêt à avoir quelque chose qui cartonne à mon écran. Tu utilises la 4K. Voilà. Donc si je prends du Stadia et que je me retrouve avec du 720p ou du 1080p ou de la 4K qui saccade ou qu'on voit les artefacts de compression de l'image, le Stadia il va faire demi-tour et puis vite fait quoi. Et tu vois, si tu veux utiliser ton écran 4K, il n'y a pas 36 solutions, il faut jouer sur PC. Et c'est d'ailleurs sur PC que Half-Life Alyx va sortir. Et ça c'est le point aussi sur lequel je voulais revenir. Les points marquants de 2019, c'est l'annonce d'Half-Life Alyx. On en a déjà parlé en podcast. Ça sort en mars 2020. C'est un gros coup de pied dans la fourmilière. Gros titre qui fait peur. Gros titre qui fait peur. Et t'as bien raison de le dire, parce qu'il fait peur, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent énormément d'espoir sur la viabilité de la VR uniquement sur ce jeu-là. Et je pense que c'est dangereux. Et j'aime pas du tout ça, moi non plus. Voilà, bon, t'es d'accord avec moi, c'est extrêmement dangereux justement. Bon, tous les sceptiques de la VR qui disent, si Half-Life Alyx fonctionne pas, la VR est morte. La VR est morte, voilà. Alors ça, c'est le genre de raccourci que je déteste. Pareil. Et du coup, en fait, ce jeu, je l'attends avec énormément d'impatience. Je suis sur les starting blocks pour le tester. Mais j'ai peur du résultat. Je fais confiance à Valve parce que c'est pas des mauvais, mais j'ai vraiment peur que ça accroche pas. Ben, du coup, la pression Là, il a tellement de pression, ce jeu, que du coup, j'ai peur que... C'est un petit peu comme Stormland, où le jeu est magnifique, le jeu est, mais il n'est pas parfait. Il est. Ouais, j'aime pas c'est ça en fait. Que, à force de trop en parler, à force de trop l'idéaliser, ouais. et ben, il n'y a plus la surprise et les types ils vont l'attendre au moindre petit détail pour venir le massacrer. Quoi. Donc, Stormland, son problème c'est qu'il était. Il est très vaste, il est lent, c'est un système de progression qui est assez particulier et moi personnellement j'aime pas beaucoup. J'espère que Half-Life Alyx sera beaucoup plus ramassé dans son gameplay. Donc, voilà. Non, mais c'est fou. C'est vrai que c'est fou de tout mettre. Si un jeu se plante, ils ont oublié tous les développeurs et les studios dans le monde qui travaillent sur la VR depuis maintenant 4 ou 5 ans. Tout le travail qui a été fait pour sortir une technologie. Et puis là, pouf. Si Half-Life est nul, toute la VR, c'est foutu. Parce qu'en plus, on sait que les Half-Life, ça sort sur console, mais ça reste quand même, au niveau des fans et au niveau de ceux qui aiment la licence, des PCistes, purs et durs. Et les PCistes, ils sont pas tendres. Ouais. C'est-à-dire que, eux, justement, la majorité, on leur propose un Half-Life Alyx qui sera pas compatible sur écran plat. Ils ont déjà suffisamment les boules. Ils seront justement derrière le buisson c'est ça. Pour attendre qu'il se plante et sauter dessus pour le terminer à la machette. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Bon, je garde quand même l'espoir parce que, bon... voilà, c'est Valve, quand même. Il a l'air super beau. Il a l'air super beau. T'as un nouveau casque et de nouveaux contrôleurs aussi qui sortent en même temps, à mon avis, pour bien profiter de cette nouvelle technologie. Donc, ils sont souvent dans les bons coups, Valve. Ouais. Donc, ils aiment révolutionner le jeu vidéo et finalement, ça n'est que. Et puis, ils y arrivent, en règle générale. C'est pas dans le cloud gaming qu'ils vont s'amuser parce que finalement, c'est pas une évolution du jeu vidéo, le cloud gaming. C'est juste, on déplace ce qu'on a déjà ailleurs et on joue à la même chose. C'est une évolution économique. Ouais, voilà, pour ceux qui le vendent. Alors que la VR, c'est une vraie révolution et je pense que même si elle est pas elle n'est pas mise à la place qu'elle mérite aujourd'hui. Je pense que pour un développeur, c'est plus intéressant de développer un jeu comme Half-Life Alyx, où c'est une vraie révolution, et Valve ont toujours été dans les révolutions, ils ont toujours révolutionné le jeu vidéo d'ailleurs. C'est logique qu'il soit là, quoi. Et je m'inquiète. Je sais que le jeu sera super. Par contre, c'est vrai que tout ce tapage qu'il y a eu autour de lui, quand un bon film, on en parle trop, et ben après, on va le voir, on est un peu déçu. Et puis, quand bien même, tu vois là, exactement, tu en parles, tu lui fous la pression. Forcément, dans la tête du joueur, il va se dire, tiens, mais il a intérêt d'être bon, il a pas intérêt d'être bon, ouais. Il a intérêt d'être exceptionnel. S'il n'est pas exceptionnel, forcément, tu seras déçu. Et je pense que du coup, en fait, les potards sont un petit peu montés un petit peu trop vite, Il arrive en mars, lui. Oh. Il arrive en mars. Donc en mars, on peut s'attendre à une grosse vague d'articles dans tout genre qui vont dire Alyx, la déception. La VR terminée, il va y avoir peut-être ça. Ou alors les gens, ils vont prendre conscience en fait qu'ils ont balancé de la merde pendant 3 ans sur la VR et vont se dire finalement, la VR c'est peut-être pas mal maintenant. Mais tu vois, il y aura pas, en tout cas beaucoup moins, je pense, d'avis un peu plus équilibré, tu vois. Genre, alors effectivement, c'est un très très bon jeu. Il est pas exempt de défauts, mais ça reste bon, tu vois, ou alors il est mauvais, mais il y a quand même des très très bonnes idées, la VR apporte beaucoup de choses. Tu vois, à mon avis, ça sera noir ou blanc, en gros. Hein. Oui. Bah, c'est ce qui fait peur. C'est ça. C'est qu'ils ne se servent pas de ça pour descendre un peu mieux, à suivre. C'est ça. En tout cas, il est même pas né que déjà une grosse chape de plomb. C'est l'homme à abattre dans la petite armée parce que c'est ou à encenser. Voilà, ou à encenser. En tout cas, nous on sera là pour encenser s'il y a besoin. En tout cas, s'il le mérite. Oui, mais surtout qu'en plus ils n'ont pas exclu un portage sur PSVR. Donc, on vous en parlera de ce jeu parce que c'est pas qu'un jeu PC. C'est un jeu qui est potentiellement portable sur PSVR, sur PS5. Et c'est aussi un jeu qui est important pour toute la VR. Donc, quoi qu'il arrive, on en parlera dessus là. En tout cas, voilà. Moi, je suis au taquet dessus. autre chose à rajouter ? Non, ce qui m'a frappé cette année, des petits jeux que je croyais petits et qui n'étaient pas si petits. Je parlais tout à l'heure de Mini Motor Racing que je trouvais sympa. Des annonces, parce que en 2019, sur la fin, je disais mince, on a que Iron Man là finalement qui arrive. Mais j'en ai parlé la dernière fois, hein, les London Studios qui recrutent, Walking Dead, Sad and Sinners qui a l'air plutôt pas mal. Ces choses-là qui me font dire ben c'est bon quoi, c'est pas terminé, il y a encore des choses qui vont arriver. Et puis bon ben il y a eu cette histoire de Microsoft qui ne veut toujours pas aller en VR, ça m'a marqué aussi. Pourquoi? Parce que légèrement, je sais pas, t'en as quasiment pas parlé. De toute façon c'est clair, hein, ma position là-dessus elle est claire. On a lancé VR for Player au tout début, au lancement du PSVR. On a attendu sur la One en se disant ben ils vont faire pareil, ils vont sortir un casque, pas rien. On a attendu sur la One X, rien. Déjà la One X ça concordait pas avec ses propos, parce qu'il attendait que d'avoir une console qui fasse 6 teraflops pour faire de la VR, puis boum, au dernier moment, oh non, il n'y en aura pas finalement. La série X, ça a été le plus gros coup, parce que là, maintenant, la puissance, il faut arrêter de se moquer de nous, on est sur du 12 teraflop, il faut arrêter, hein. Vous voulez pas, hein, c'est clair, dites-le. Soyons sérieux. Du coup, pour moi, voilà, la Xbox, ça reste... alors, depuis que j'ai goûté à la VR, de toute façon, moi, je suis très VR. Il y a quelques jeux que je fais encore en plat, mais c'est vraiment des jeux que j'apprécie tout particulièrement. Mais la VR, c'est quelque chose qui m'a vraiment... c'est une révolution, une vraie révolution. Et du coup, la Xbox, pour moi, ce n'est pas une console pour tous les joueurs. Si je devais investir aujourd'hui 500 balles dans une console, maintenant que j'ai connu la VR, c'est clair que... Et maintenant que je sais le potentiel que pourrait avoir la VR sur une console qui aurait 12 teraflops, eh ben je ne prendrais pas une Xbox tout simplement parce qu'il n'y a pas de VR. Voilà. Donc, c'est ça, tout simplement. Le souci. C'est ce qui explique mes réactions parfois violentes envers Phil Spencer. Je dirais que je vais... Léger, très léger. Je vais pas cracher sur Microsoft, ça faut bien que ce soit clair. Je ne suis pas un fanboy de Sony à cracher aveuglément sur Microsoft. J'ai pas digéré cette histoire de VR. Parce qu'ils nous mènent en bateau depuis 3 ans, là, ils nous prennent pour des cons, et puis ça m'a gavé. Si le message était clair dès le départ, c'est-à-dire les VR, non, ça ne nous intéresse pas, ça n'intéresse pas nos joueurs, et basta. En gros, ça, c'est la dernière phrase qu'il a dit. Oui, c'est très bien. Sauf que si c'était la même chose qu'il disait depuis le début. Sauf que non, en fait, il passe son temps à dire des choses et son contraire, en fait, au fur et à mesure, à faire espérer l'arrivée de la VR. À chaque fois, il reporte, en fait. On a l'impression qu'il joue la montre, en fait. Il reporte tout le temps. Ce qui me fait dire que c'est un avis économique et pas philosophique. C'est un intérêt économique. Il a intérêt à retarder la VR parce que certainement que la VR, ben, elle tournera pas dans le cloud, donc ça les gêne quelque part. Et puis ça rapporte pas cette pognon. On va pas revenir dessus. On a déjà parlé longuement, donc là-dessus on a déjà tout dit. Hein. Voilà, on n'est pas à Bizarre City, on sait très bien que voilà, ce qui fait fonctionner cette industrie, c'est la thune, bien évidemment. Mais bon, n'empêche, c'est dommage. Si Microsoft avait été là au lancement du jeu vidéo, ben peut-être que le jeu vidéo n'existerait pas non plus, quoi. Parce que c'est forcément des entreprises qui finalement ils ont pris des risques pour en arriver où on en est au jeu vidéo. Alors bon, c'est sûr que maintenant c'est un marché qui est bien juteux, qui est bien important, qui a ses bases solides. Donc forcément, celui qui arrive maintenant, eh ben il a pas le même marché que ceux qui avaient le marché à l'époque des débuts 80-85. Et la VR, c'est exactement ça. C'est vraiment une technologie, c'est une révolution, c'est une nouvelle branche du jeu vidéo. Mais c'est une branche qui donne beaucoup moins de fruits, en fait. Et je trouve qu'une société comme Microsoft, qui est soit première, soit deuxième des plus grosses sociétés mondiales, et qui est investie dans le jeu vidéo, il se devait d'être présent là-dedans, dans la VR. Donner un exemple au niveau de son image, dans son image de marketing, je trouvais ça... évident. Ils sont là, hein, parce qu'il y a des associations je pense à, je ne sais plus comment ça s'appelle, XR, l'association XR pour la VR, Microsoft donne de l'argent sur cette association-là. Ils sont aux côtés de Sony, ils sont aux côtés de Valve, ils sont plusieurs membres. Mais du concret, parce qu'on ne porte pas un marché en laissant son concurrent sortir son casque, se casser la gueule, ou on l'en... on lance pas une technologie, parce que là, on est vraiment sur on lançait une technologie. Mmh. Le pognon, il arrivera après. Mais c'est cette mentalité-là, moi, qui me dérange. Je comprends pas que... je dis pas la société, elle aurait des difficultés, mais eux, ils ont combien ? Ils ont 1200 milliards de capital. Microsoft, c'est un truc de malade. Oui, mais en même temps, ils s'en foutent un petit peu de la vie des gens comme nous qui aiment bien la VR. En fait, ils se mettent vraiment dans la poche tous les joueurs et la majorité des joueurs qui n'ont pas de casque, que ça n'intéresse pas, ouais, ou qui ça fait peur et voilà, il a gagné quelque part au niveau de la communication marketing ils ont contribué à faire de la VR quelque chose de marginal, de niche, parce qu'on l'entend bien assez souvent, ouais, que c'est une niche, ouais, mais ouais, mais une niche pour sortir d'une niche, il faut que les joueurs y jouent, il faut que les gens, et il faut les soutenir. Et c'est ça qui est fou, c'est que moi, ce qui me rend toujours fou, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que les joueurs qui découvrent la VR pour première fois, ils se disent ah, mais c'est ça en fait, ah, ben, je savais pas, ah, ben là, toi, t'es là, tu dis ben si, c'est ça la VR. Voilà, ne serait-ce la PS4 Pro est capable de faire déjà quelque chose de correct. Je pense que la One X était largement capable de faire mieux, parce que justement, elle était plus puissante. Je pense que la série X, elle était faite pour ça depuis le début. Je disais, putain, là, ils vont y aller, c'est obligé. Voilà, c'est incompréhensible. Et c'est rigolo parce que quand on parle toujours de ce cycle du hype de Gardner qui sort le truc, c'est rigolo parce qu'il y a une phrase dans la courbe, donc la courbe qui se casse la gueule, le gouffre des attentes. Et après, on rentre sur un marché de productivité. Et là, Gardner, ils mettent toujours en explication sur cette courbe, ils mettent un truc du style que certains, beaucoup se sont cassés la gueule en fait. Il y a beaucoup de startups qui se sont cassés la gueule, mais ils disent qu'il y a certains gros acteurs du marché qui continuent malgré ça, et c'est eux en fait qui vont faire sortir. Et Microsoft, ils attendent quoi ? Ils attendent que ce soit au niveau de la productivité pour y aller. Que ce soit le copain qui y aille. C'est ça. Et je pense, et c'est pour ça, c'est pour ça que je le répète, je pense que une boîte comme Microsoft, ils avaient quelque part un devoir de soutenir au moins une chose dans le jeu vidéo, et ils l'ont pas fait, quoi. Et je l'ai pas compris en tout cas, mais c'est pas bien, Philou, ce que tu fais, c'est pas bien. Donc voilà, bon, c'est vrai que c'était un truc aussi qui nous a bien emmerdé tous au niveau de la rédaction. Bref, après moi je serais super content que demain ils disent bah finalement qui retourne sa veste, on vous a fait une surprise. Paf, ils te sortent un casque Microsoft, non, déconne, un truc de fou, bon. Avec Half-Life Alyx dessus. Ils ouvrent leur console pour qu'un maximum de joueurs découvrent enfin les Windows Mixed Reality. Ils sont pas perdus. C'est pareil, c'est des casques qui peuvent se vendre sans problème à 150€ peut-être, ou 190€. Et ce qui donnerait à des gens qui veulent juste essayer, ben ils seraient dans la. Mais non, au lieu de ça, ils les mettent plus au catalogue. Voilà, donc c'est ces choses-là qui me dérangent. C'est que c'est pas comme ça qu'on soutient. Voilà. Mais imagine-toi que Half-Life Alyx sur cartonne. Voilà, déjà, il y a Super Hot qui a fait des très très bons scores en cette fin d'année, qui a récolté 2 millions de bénéfices en 7 jours, je crois. Il a explosé. Donc félicitations à eux, parce qu'en plus, c'est un putain de jeu. Si vous y avez jamais joué, et bah, foncez. Super Hot VR, que ce soit sur PC ou sur PSVR, faut absolument l'avoir celui-là. Mais voilà, qu'un jeu comme Alyx, Half-Life Alyx sur cartonne sur PC, je peux te dire que le filou, il va sentir un petit peu le vent tourner, et puis il va commencer à lui et son équipe et toute l'équipe marketing Microsoft et développement vont commencer à se poser des questions et aller dans le sens du vent. Le souci chez Microsoft, il est là, quoi. C'est que quand en 2013 ils ont balancé la One, ils voulaient faire une console qui était bloquée, le jeu était bloqué sur la console et sans connexion on ne pouvait plus jouer au jeu. Mince, on a fait une bêtise, allez hop, 3 semaines après on fait demi-tour. Et c'est, y a pas un moment où ils se disent bon allez, alors bon, ils ont HoloLens, là ils prennent des risques, ils essayent HoloLens. Ouais, mais ça reste pro. Mais au niveau de, là, on est encore en train de parler d'image de marque, en fait. Et c'est là où Microsoft, elle prend une baffe au niveau de son image de marque, et c'est ça qu'ils n'ont peut-être pas compris encore. C'est des petites choses comme ça qui, à répétition, font bah, finalement... C'est pour ça que tu me fais marrer depuis tout à l'heure. Enfin, tu me fais marrer. Quand tu redis ce que Microsoft avait dit, on ne fera pas les mêmes erreurs. Bah, ouais. Non, ils en font d'autres, en fait. Ouais, c'est ça. Ils en font d'autres. Et la VR, c'est de la merde. Ok, très bien. Bah, c'est une erreur, ça. C'est une erreur, tout simplement. C'est dommage. C'est un minimum de soutien aurait été... Et on l'a déjà dit en émission, on l'a déjà dit en article, etc. On le dit, on le répète encore et encore. Nous, on n'est pas des pros Sony. On veut que tout le monde puisse proposer en tout cas un périphérique VR sur sa console. Mais que ça fonctionne, et que ce sera ultra sain. Ça sera ultra sain qu'ils fassent ça. Parce qu'à la base, nous, c'est pareil. À la base, on s'est lancé sur un site plus axé console petit à petit. Au sein de VR4Player, il y en a qui ont des PC. Moi, je ne serais pas contre avoir un super casque Microsoft avec une série X s'il me propose des jeux que je ne peux pas avoir ailleurs. C'est pas ça le souci. Je crois que c'est clair à force de le dire. Bon, on a fait suffisamment le tour là-dessus. Je pense qu'on va arriver à la fin de l'émission. Si ça te va, mon petit Lolo. Ça va très bien. Je voulais juste faire un petit disclaimer en ce moment. Noël est passé. Beaucoup de casques se sont vendus, très certainement. En tout cas, si on en croit le nombre de stocks de PS Move disponibles sur Internet, on peut se dire, et les prix complètement débiles qu'on trouve. Si vous êtes nouvel arrivant sur la plateforme PSVR, n'achetez pas de PS Move maintenant. Non. Une paire de PS Move, c'est 80 balles et basta. Si vous voyez les trucs à 150 balles, 200 balles ou plus encore, 500, comme on peut le voir. 500 balles. Ou 500. Il y en a. Mais fuyez. Attendez un petit peu, attendez quelques mois, c'est pas grave. Vous avez un paquet de jeux sur PSVR qui sont disponibles et qui sont jouables uniquement à la manette ou aux manettes et aux Move. Il y a quelques titres qui sont exclusifs au PS Move, mais vous n'êtes pas obligé de tout essayer tout de suite. De tout faire tout de suite, donc venez vous renseigner un petit peu sur VRplayer.fr pour voir les jeux compatibles Move uniquement, pour savoir lesquels il faudra éviter dans un premier temps. Mais en tout cas, achetez pas une paire de PS Move à ces prix complètement débiles. Sur le site, c'est tout trié dans l'onglet les jeux. Voilà. Vous avez tous les jeux DualShock, tous les jeux PS Move, les jeux M-Controller, les jeux 3D Rudder. Les incontournables, et après vous pouvez encore mettre, si vous voulez, les PS Move obligatoires, et du coup vous avez tous les jeux qui ne peuvent se jouer autrement qu'avec les PS Move. Voilà. Ça vous permettra de ne pas vous tromper, en tout cas à ce niveau-là. Et, voilà, et joueur PSVR, hein, ça rime pas avec pigeon, donc faites très très attention à ça. Et, voilà, sachez que, bon, on a demandé, nous, savoir s'il y a quand est-ce qu'arriverait le réapprovisionnement. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Mais par contre, faut pas être bête non plus. Il y a Iron Man qui va arriver dans pas longtemps. Il se joue au PS Move. Blood and Truth également, il se joue au PS Move. Donc Sony ne vont pas laisser les joueurs comme ça. Ça va arriver. Il faut juste être un peu patient. Puis en attendant, essayer d'autres jeux. Il y a de très bons jeux. Si vous venez d'arriver sur le PSVR, Astrobot et Moss, par exemple, se jouent à la manette. Voilà. Et sont exceptionnel comme ça. Donc. Exactement. Donc voilà. Je voulais terminer par ça. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. En tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année 2020 autour d'un VR. Merci à toi, mon petit Lolo. Eh ben, je t'en prie. Merci à toi également. C'était un plaisir. On était bien tous les deux. Finalement, la prochaine fois, on va leur dire qu'il n'y a pas d'émission. Non, on leur donnera une autre date. Voilà. Je leur dirai qu'en fait, on enregistre le samedi ou le dimanche. Et puis voilà, comme ça, on va... De toute façon, c'est des petites natures, ils font des crises de foie. Ouais, non, mais voilà, c'est pas des vrais. Vous pouvez donc nous retrouver sur verplayer.fr, bien entendu. Vous pouvez voir, si vous voulez voir nos ganaches et vous rendre compte pourquoi est-ce qu'on fait de la radio et pas de la vidéo, et ben, vous pouvez aller voir donc, du coup, le top 20. La vidéo top 20, la dernière vidéo top 20 qui est sur la chaîne. Des jeux PSVR. On a fait quelques petites bêtises. Nos sales trognes. Et puis voilà, vous pouvez nous retrouver donc sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, sur PodCloud, sur absolument toutes les plateformes de podcasts possibles et imaginables. On remercie les tipeurs, on les remercie jamais suffisamment de nous aider. Et puis on vous fait de gros bisous et on vous dit à dans deux semaines. Ciao tout le monde, à dans deux semaines. Ciao.